te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Et oui, une autre grosse émission pour nous, mesdames et messieurs, en ce 29 novembre froid. Enfin, l'hiver est arrivé, mesdames et messieurs, au Québec. Moi, je suis content. J'aime l'hiver. Donc, une grosse émission cette semaine encore. Et je commence en vous présentant mon collaborateur de toujours, M. Andrew Castegan à la console. Comment ça va, Andrew? Quelques frustrations, un peu de colère ensevelie au fond de moi. Si j'avale ça, ça va bien. Problème technique. Excusez-nous, on est arrivé en retard à notre... En fait, on n'est pas arrivé, mais l'ordinateur est arrivé en retard. L'ordinateur a décidé que c'était le temps d'aller prendre une pause café. Et voilà. Mais nous sommes en onde malgré tout. Alors, Andrew, on va parler de nouvelles, surtout aujourd'hui. On va vous parler aussi d'événements ludiques, entre autres de la fiesta ludique qui a lieu au pavillon de Conan cette fin de semaine, organisée par nos amis excusez-moi. Donc, Oda Conin, que ça s'en vient en fin de semaine. Puissance Maximale va être là. Et aussi de CosplayCon, qui est une activité reliée au cosplay, à la culture pop japonaise aussi, qui va avoir lieu à Québec en fin de semaine aussi samedi. Donc, ça va être déchirant pour beaucoup d'entre nous. On va en parler plus tard dans l'émission. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher nos anciennes émissions, les podcasts et nouvelles. On vous invite aussi à aller sur la page Facebook de Puissance Maximale. Donc, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le petit bouton J'aime parce que nous, on vous aime. Et également le site de CKIA FM, le CKIAFM.org, pour aller acheter votre carte de membre, un petit 20$. Pour devenir membre de CKIA, l'encourager à continuer à mettre en onde des émissions différentes comme Puissance Maximale. Et je voudrais faire une petite mention spéciale en ce début d'émission parce que deux de nos plus grands fans à l'émission, Monsieur Pierre Courtemanche et Mme Patricia Gosselin, ont appris aujourd'hui qu'ils vont devenir parents au printemps prochain. Félicitations de la part de toute l'émission, de toute l'équipe de Puissance Maximale pour cette heureuse nouvelle. Félicitations à vous deux. Et on va... Un fan de plus. Oh oui, un fan de Puissance Maximale de plus qui s'en vient. Et avant toute chose, nous allons commencer, comme à notre habitude, en musique. Et on va y aller avec un classique de la musique américaine, A Horse With No Name du groupe America. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Ça s'en vient. Journey. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiaud, invité d'honneur de G-Anime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale après A Horse With No Name d'America. Et on va parler événements ludiques parce qu'il y en a à Québec cette fin de semaine. Il y en a un, vous savez, on va être là, on en a parlé, la fiesta ludique qui va avoir lieu au pavillon de Coningue tout l'après-midi à Québec, là, le samedi, le 1er décembre, avec nos amis de Philosophia qui organisent ça, donc des éditeurs de jeux qui vont être présents pour nous montrer des nouveautés. On était allé il y a peut-être 2 ans. La dernière fois, moi, la dernière fois, j'ai pu y aller. Malheureusement, l'année passée, j'ai pas pu me rendre. Et la dernière fois, j'étais allé, on avait même fait un test bêta d'un jeu allemand qui est un peu sur la vie, justement, qui on va faire un lien avec CosplayCon, avec justement sur le Japon, sur la Japon féodale. Et on jouait finalement des assassins samouraï ninja. Bref, c'est assez large le personnage qu'on joue. Et on devait posséder certains trucs dans certains quartiers de Tokyo. Et bref, on avançait comme ça. C'était une bêta, c'était vraiment intéressant. Et on avait essayé plein de jeux, d'autres jeux, des petits jeux rapides de cartes, des classiques comme Pandémie. On avait joué une partie avec M. François Gécouillard et Vincent Langlois de l'émission aussi, qui était là avant avec nous. On avait fait une partie complète de Pandémie. Très, très, très intéressant. C'est toujours bon, Pandémie, en fait. Les petits jeux coop, moi j'adore ça. Ben, en fait, c'est pas un petit jeu. C'est un très bon jeu coop. Ça vaut toujours la peine. Mais vous allez pouvoir faire plein de tests en fin de semaine au De Coningue, au pavillon de Coningue de l'Université Laval. Je me rappelle bien, c'est gratuit. Donc, vous venez. Finalement, l'événement, nous, on sera là pour prendre des commentaires de joueurs, pour jaser avec vous, jaser aussi avec les gens de Philosophia. Et aussi, habituellement, il y a des concepteurs de jeux qui sont présents pour parler de leurs jeux. Et si je me rappelle bien, ils vendent aussi des jeux sur place. Donc, si vous cherchez des cadeaux à faire pour le temps des fêtes ou pour un anniversaire qui s'en vient, c'est une bonne place où aller là, pour justement... tester vous-même les jeux et voir si ça ferait des bons cadeaux pour peut-être vous-même. Peut-être que vous êtes du genre à vous faire des cadeaux de vous à vous pendant le temps des fêtes. Donc, c'est un rendez-vous samedi le 1er décembre pour la fiesta ludique avec les gens de Philosophia et nouveaux amis de Puissance Maximale. On va être là. Autre événement qui s'en vient en fin de semaine, le CosplayCon. Donc, le CosplayCon, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est un peu... on connaît le concept. On va... c'est un peu concept convention, donc à des conventions animées ou de manga. Les gens, la plupart des auditeurs de Puissance Maximale commencent à connaître le concept. On en parle quand même assez souvent, soit que ce soit de G-Anime, on a parlé beaucoup de Kapekimono et de Takuton, bien évidemment. On était présents pendant ces événements-là pour vous en parler. Vous savez un peu à quoi vous en tenir. Mais on a quelque chose du genre aussi qui s'en vient en fin de semaine, donc le 1er décembre également, toute l'après-midi. Samedi le 1er décembre de 1h à 9h même, donc un après-midi et une soirée complète d'activités type convention ici à Québec. Ça va se passer à l'école de la Courvilloise pour l'adresse complète, le 2265 avenue Larue à Québec. Donc c'est organisé par une jeune fille qui se nomme Dominique Hudon, qui prépare finalement c'est pas juste en fait une convention pour une convention là. Ben c'est pas vraiment une convention en tant que telle, parce que c'est vraiment plus, c'est moins long qu'une convention qu'on connaît, mais il y a le même genre d'activité. Donc vous allez avoir justement, bien évidemment, du cosplay. C'est en fait centré beaucoup là-dessus. On va présenter justement le cosplay avec, il va y avoir des panneaux, il va y avoir des ateliers aussi de photos, parce que de plus en plus, on voit ça sortir. C'est pas juste le fait d'être pris en photo, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la photo grâce au cosplay. Donc vous allez pouvoir en parler sur place également. On parle de la pop, de la culture pop japonaise en général. Donc, c'est sûr qu'on va toucher les aspects du manga et de l'anime, des démonstrations d'arts martiaux, de la jonglerie, des jeux. On va voir des projections. Il va y avoir du jeu vidéo également. Donc, en plus, vous allez pouvoir jouer, puisque les gens de Puissance Maximale, vous aimez les jeux, ben, vous allez pouvoir le faire également là-bas. Le but premier, en fait, c'est que cette jeune fille-là l'organise dans le cadre de ses cours. Finalement, c'est dans un cadre scolaire. Elle fait ça pour, entre autres, ramasser des fonds. Ben, principalement, en fait, pour ramasser des fonds pour la Croix-Rouge japonaise. Donc, c'est un 5$ pour rentrer, mais c'est pour aider les gens, parce qu'on sait ce qui s'est passé au Japon là, avec le tremblement de terre, et il y a encore avec des milliers de morts, des gens encore qui ont des problèmes. On connaît l'attitude du Japon face à l'aide financière internationale. On le connaît. C'est pas des gens qui vont habituellement aller c'est pas le genre à aller quémander à l'international. Mais pourquoi pas les aider, là, vu qu'on adore la plupart des gens, là, moi y compris, qui adore la culture japonaise et ce qui en ressort. Ben pourquoi pas les aider justement à se sortir de ce trou-là, là, de ce bourbier là, qui a été le tsunami le tremblement de terre et l'incident nucléaire à Fukushima. Donc c'est une, en plus d'aller vous amuser toute la fin de semaine en vous en baignant finalement dans la culture pop japonaise, en la découvrant peut-être, puisque peut-être que vous êtes pas vous êtes jamais allé dans une convention, ben c'est une excellente façon de vous introduire au concept, parce que c'est seulement 5$ pour participer à cette activité-là. En plus, il va y avoir des marchands, si vous voulez voir, pour si vous voulez aller acheter des petits goodies, des petits produits dérivés faits maison, en plus, parce qu'il va y avoir des artisans également, ben c'est une bonne façon, justement, de vous introduire à tout le concept de la culture pop japonaise, en tout cas dans ce qui est manga, animé et ce qui en dérive. Donc on parle des jeux vidéo également et de d'autres trucs plus traditionnels qui va être possible de voir là-bas. Donc c'est pas compliqué, comme on vous disait, c'est le 1er décembre, ce samedi, à partir de 13h jusqu'à 21h. Vous allez là, c'est un 5$ pour encourager finalement, pour aller faire des dons à la Croix-Rouge japonaise et également pour vous amuser dans des activités type convention. D'ailleurs, on remercie Madame Dominique Hudon, Mademoiselle Dominique Hudon, parce que c'est une jeune fille de 16 ans qui organise tout ça. Félicitations d'ailleurs, parce que pour avoir organisé et participé à des conventions comme équipe d'organisation et staff sécurité et plein d'autres, je peux vous dire que c'est tout un travail. Félicitations à Madame Hudon. Mademoiselle Hudon, pardonnez-moi, pour l'organisation de cet événement. On promet rien parce qu'on va être très occupé avec la fiesta ludique, mais Puissance Maximale va essayer d'aller faire son tour à CosplayCon pour aller jaser avec les gens là-bas pour voir justement de quoi ça a l'air. Donc voilà pour les événements ludiques de la fin de semaine à Québec. On va continuer en musique, Monsieur Castegan, avec une chanson du groupe Corpul Clanny, si je me rappelle bien, groupe qui fait un peu de... ça ressemble à du metal trad, donc metal traditionnel. Et le nom de la chanson déjà? Metsami. Merci beaucoup. Pas mes petits amis, mais bien Metsami en un mot. Et vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Yeah. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale et on va y aller en nouvelles, mesdames et messieurs, avec tout d'abord une vente vraiment intéressante, Monsieur Castegan, de jeux de THQ. Oui, en fait, c'est une initiative qui existe depuis un bon moment qu'on appelle... Vers un autre lien, justement, avec CosplayCon, on va parler de... De charité. De charité. Oui, en fait, c'est... J'ai perdu le fil de mes idées, là. C'est de ta faute. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, le principe, c'est des packs de jeux qui s'appellent le Humble Bundle. Et le principe, dans le fond, c'est un pack de plusieurs jeux que vous pouvez, dans le fond, acheter. Mais c'est vous qui fixez le prix. Généralement, ces Humble Bundle-là, ils font beaucoup avec des jeux indie. T'es comme exemple Minecraft... Et autres. Et autres. Oui, c'est ça. J'essaie de trouver un autre nom de jeu, mais non. Il y en a plein. Il y en a plein. Octodad mais... serait un jeu indie. Ah, c'est ça. Octodad, c'est juste qu'il est gratuit, là. Mais t'es les jeux indie payants. Voilà. Bon. Fait que normalement, il fait ça avec ça. Puis le principe, c'est que vous fixez le montant que vous voulez, minimum 1$. Et vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Et c'est vous qui fixez le pourcentage de répartition des richesses. Dans le fond, mettons, vous donnez 5$. Vous pouvez décider que 4,25 s'en va à la charité et 75 cents s'en va aux développeurs du jeu. C'est chiant, là, mais vous pouvez faire ça. Et dans le fond, pour le mois de décembre, ben ils ont décidé de s'associer avec THQ pour offrir le même principe, mais avec des vrais jeux ce coup-ci. Ben là, et, les jeux indie, c'est des vrais jeux. Non, mais des jeux triple A, si vous préférez. Bon, voilà. Bon. Fait que des jeux triple A. Et qu'est-ce que vous allez retrouver dans le fond, ce bundle-là? Mettons que vous décidez de mettre le montant minimal. Vous allez avoir le jeu Darksider, un jeu ressemblant un peu à God of War. Beat'em all. Aventure, ouais. Où vous avez des coffres, des petits puzzles, puis des petites affaires comme ça, où vous jouez dans le fond War, guerre, si vous préférez, un des chevaliers de l'apocalypse. Jeu quand même très intéressant. Moi, j'avais pas accroché parce que je trouvais que ça ressemblait trop à God of War, et il est sorti pas mal dans les mêmes temps que God of War. Fait que il a passé un petit peu inaperçu, mais c'est un très bon jeu pareil. Vous avez Météo Média, non, vous avez Metro 2033, dans le fond, qui est un first person shooter survival horror un peu se passant dans une Russie dévastée par une catastrophe nucléaire, donc zombies, mutants et autres bébêtes au rendez-vous. Et donc climat très lugubre. Après ça, vous avez Red Faction Armageddon, jeu où, dans le fond, vous pouvez détruire pas mal n'importe quoi. Très intéressant aussi. Et moi, personnellement, je trouve que ça vaut vraiment la peine juste pour ces jeux-là. Companies of Heroes 1, ainsi que les deux expansions, Opposing Front et Tales of Valor, que je vous dis sérieusement, là, c'est vraiment un des meilleurs jeux de stratégie temps réel, comme juste pour ceux qui savent pas c'est quoi la catégorie, c'est un peu comme Age of Empires, tu sais. Mais c'est un des meilleurs que j'ai joué là de ma vie là au niveau là des jeux de stratégie. Et en plus, vous avez les trames sonores de ces 10 jeux et tout ça de ces jeux là et tout ça sans DRM. Donc, vous voyez quand même le potentiel. Et là où encore, il y a une surprise, si vous décidez de mettre le montant moyen de don, qui est 5,58, il vous rajoute Saint Row the Third, qui est un jeu un peu à la GTA. À la Grand Theft Auto. Dans le fond, très arcade. T'sais, c'est pas vraiment comme GTA l'est, là, genre simulation, tout ça un peu, malgré que c'est pas très simulation. Mais t'sais, ils n'ont pas essayé de recréer là, la ville urbaine commune, ils ont fait ça vraiment exagéré avec de l'humour très gras, comme maintenant on va dans un club de sadomaso homosexuel, puis t'es des affaires de même, là, t'sais, c'est un humour. Pas très censuré. Non, c'est pas censuré du tout. Mais c'était quand même un très bon jeu. J'aurais pas payé 50$ quand il est sorti pour ce jeu-là. Mais pour 5,58$, puis tous les autres jeux qui viennent avec, là, puis en plus c'est pour une bonne cause, là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais en même temps, ben vous pouvez en acheter plusieurs parce que vous pouvez le donner en cadeau. Fait que si vous cherchez un cadeau pour On commence à en parler parce que là, le mois de décembre, ça commence samedi, puis le temps des fêtes s'en vient. D'ailleurs, Puissance Maximale va vous préparer des petites chroniques avec nos collaborateurs, ben surtout avec Chantal de Distribution d'autres pour vous parler cadeaux, puis on va vous faire nos suggestions à nous aussi. Ça fait que pourquoi pas passer par l'Humble Pack pour faire un petit cadeau en même temps. C'est ça. Et pour le mois de décembre, dans le fond, ils ont décidé que l'argent allait aller à Child's Play Charity, qui est dans le fond un organisme qui met des consoles de jeux et des jeux dans les hôpitaux et les centres d'enfants malades, et la Croix-Rouge. Donc, voilà. Très intéressant. Donc, petit cadeau facile que vous pouvez faire, pas de DRM, très intéressant, des bons jeux, THQ, why not? Effectivement, surtout pour le prix. Et une autre nouvelle, après ça, on va déjà retourner en musique parce qu'on a plein de bonne musique cette semaine pour vous. Monsieur Castegan, autre nouvelle. Oui, les spécificités techniques de la Wii U. Ça fait longtemps qu'on les attend, ça. Ouais, ben, premièrement, la console a eu le temps de sortir Nintendo, là. Come on! Et la source ne vient même pas de Nintendo. C'est un gars qui s'est acheté une Wii U et a dit « Bon, ben, on va la démonter et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. » Et Andrew me regarde d'un air pas très convaincu. En fait, la console serait équipée d'un processeur 3 cores PowerPC 750 qui serait équivalent au processeur Broadway de la Wii. En d'autres mots, c'est le même processeur. Tu me niaises? Non! La seule différence, c'est qu'il y a un processeur graphique qui serait, quant à lui, un peu plus fort. Mais si on regarde, dans le fond, la corrélation de tous ces éléments techniques-là, présentement, on se retrouve avec une console ayant une puissance la situant dans le milieu des consoles actuelles. On parle de la PlayStation 3 puis de la Xbox, là. Ouais. Donc, dans le fond, elle se trouve entre la Xbox et la PlayStation 3. C'est ridicule. J'adore ça, la musique de fond. C'est plate parce que Nintendo, foncièrement, parce que c'est la compagnie que j'ai joué le plus quand j'étais jeune, je les aime. Mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bref, on verra parce que, mesdames et messieurs, on va peut-être avoir la chance, puissance maximale, de faire un petit test prochainement pour tester justement les capacités. Ouais, comme l'article sur l'excellent site jeuxvideo.com le dit, nous sommes bien d'accord que la puissance d'une machine n'est en rien synonyme de jeu de qualité. Cela dit, c'est quand même décevant. Oui, surtout que là, c'est ça, on essaie de... Finalement, on est encore dans ce pattern-là de l'industrie où, à place d'amener de la vraie nouveauté, de la vraie viande autour de l'os, ben on va racheter des petits goodies autour, ici, une manette tablette, pour penser qu'on amène de la nouveauté. Moi, je suis vraiment... Là... Mais ça me fait juste penser, dans le fond, à que Brent Elfrost a dit dans son vidéo d'unboxing, « Oh, it's just a Wii with some kind of iPad. » Ouais, effectivement. Donc, ce n'est rien qu'une Wii avec une sorte d'iPad. Mais ça résume, ça ressemble pas mal à ça, finalement. Mais il y avait pas si moi, la seule chose que je trouve, c'est qu'on dirait que Nintendo prend les mauvais plis de la fin de vie de Sega. Ouais. Genre, sortir une console de transition. On s'entend-tu que ça sent la console de transition, là? Ouais, c'est une console de transition qui va finalement... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de hype. Moi, habituellement, la Wii, on l'a senti. On a senti qu'avec la Wii Motion, là, avec la manette, on bougeait en avant. Il y avait quelque chose. Le monde voulait cette console-là. Pff, la Wii U, là, je vais être bien franc, il n'y a pas grand monde qui me parle de la Wii U puis qu'ils voudraient donc une Wii U, puis... Puis même dans les gens que je connais qui sont plus casual, là, qui ont aimé la Wii pour ce que ça offrait... J'ai pas eu de feedback au niveau Wii U, là. Sans farce, j'ai peur, sincèrement, pour Nintendo. Il me semble que leur console, y compris les portables, depuis un bout, ça vole pas. C'est au neutre. C'est vraiment au neutre. En tout cas, on verra, on va le tester nous-mêmes, là. Andrew aura peut-être la chance de faire un petit test pour nous et nous dire à quoi ça ressemble. Et jouer d'ailleurs un jeu que nous, on avait hâte de jouer, mais que si on voit les critiques, ça a pas l'air vargeux. On parle ici de Zombie U. En tout cas, on verra bien. Bon, je vais juste dire la chose suivante. Red Steel 1. Pour ceux qui connaissent la Wii, c'était quelque chose de très prometteur dans ce qu'on voyait dans les trailers et tout, mais finalement, très ordinaire une fois qu'on y jouait, malheureusement. On va espérer, on va espérer que les développeurs de jeux ont quelque chose à offrir à la Wii U qui sera peut-être pas aussi performante, mais on sait jamais. Donnons la chance aux coureurs, mais bon. Ça part mal. Donc, après ces tristes nouvelles, nous allons continuer en musique, M. Castegan. Oui, avec Misogynie à part de Georges Brassens. Oh yes, parce que c'est un classique. Et on aime les classiques à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Misogynie à part. Le sage avait raison, il y a les emmerdantes, on en trouve à foison, en foule elles se pressent. Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées, et puis très nettement, au-dessus du panier, il y a les emmerderesses. La mienne à elle seule sur toute surenchérie. Elle relève à la fois les trois catégories. Véritable prodige, emmerdante, emmerdeuse, emmerderait si tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dire, ige. Mon Dieu, pardonnez-moi ces propos bien amers. Elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde. Elle abuse, elle a qui, ige. Elle m'emmerde et je regrette mes belles amours avec la petite enfant de Marie que m'a soufflé l'évêque. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde et m'oblige à me curer les ongles avant de confirmer son cul. Or c'est pas qu'alibi-je. Et la charité seule pousse ma main résignée vers ce cul rabat-joie, conique, renfrogné. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde, je le répète, et quand elle me tape sur le ventre, elle garde ses gants et ça me désoblige. Outre que ça dénote un grand manque de tact, ça ne favorise pas tellement le contact. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde quand je tombe à genoux pour certaines dévotions qui sont bien de chez nous et qui donnent le vertige. Croyant l'heure venue de chanter le credo, elle m'ouvre tout grand son missel sur le dos. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde à la fornication. Elle s'emmerde avec ostentation. Elle s'emmerde, vous dis-je. Au lieu de s'écrier encore hardi, hardi, elle déclame du Claudel, j'ai bien dit. Alors ça, ça me fige. Elle m'emmerde, j'admets que ce Claudel soit un homme de génie, un poète immortel, je reconnais son prestige. Mes connailles cherchaient dedans son œuvre pie, un aphrodisiaque, non ça c'est de l'utopie. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, vous dis-je. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour d'autres nouvelles ludiques. Et on va continuer à parler de Nintendo parce que un autre mauvais coup qui s'en vient, il y a un autre probablement, en tout cas, moi je trouve que c'est un mauvais move, une Wii Mini. Ouais. Parce que là, on parlait de, on pensait que la Wii était une console de transition. Peut-être que la Wii Mini est une console de transition, de la console de transition. C'est ridicule. Sans faire, si vous pouvez avoir des Wii vraiment pas chers présentement sur le marché. Usagés, même neuves. Là, vous allez avoir une Wii Mini qui n'a pas accès à Internet, qui est plus petite, qui est probablement plus fragile pour 100$. Ouais. Ça vient-tu avec des jeux? Non. Colin, Nintendo, come on. Ici, on parle d'une petite console à peu près de la grosseur d'un disque. Parce que c'est à peu près. Prenez la Wiimote, là, pas de Wii Motion Plus, là, juste la Wiimote. Là. La console est à peu près longue de même, large comme. Un CD. Comme un CD. That's it. Et voilà. Et le couvert se rouvre. Pour mettre le CD, c'est pas à glissade. Vous n'avez aucune possibilité de le mettre sur Internet et c'est une console à fonctionnalité réduite. Écoute, c'est tellement attrayant, là. Oui, mais moi. Attends un peu, y a-t-il une console à 100$ qui s'en vient dans pas long? Ah oui, la Ouya! Je pense que je vais me payer ça avant. Ouais, même prix. Même prix. Et ça encourage le studio indépendant. Voilà. Tu sais, le studio qui veulent faire leur place parce qu'ils disent qu'ils sont à l'écoute de leurs consommateurs qui adaptent. est vrai. J'ai hâte de voir arriver ça pas mal plus que la Wii Mini. Non, mais sans faire ce Nintendo, là, arrêtez. Là. Arrêtez. Non, mais veux-tu dire la meilleure dans tout ça? Faites des... C'est pour une fois qu'on a une exclusivité au Canada. Enfin, c'est exclusif au Canada, en plus. Tu niaises? Non. C'est ça, il y a juste les Canadiens qui vont acheter ça. C'est qu'ils ont shippé ça ici, tout vrai. Ouais. Je me sens... pour le moment, on a l'exclusivité. Tu sais, je me dis, il me semble qu'il aurait pu faire un bundle Wii U avec un jeu. T'es un peu comme qu'est-ce qu'ils ont fait en France avec Zombie U. Tu sais, ça aurait été bien, ça, me semble. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, ben, écoutez, Nintendo, bonne chance. Encore des dépenses pour vous. Peut-être que ça va être rentable. On vous le souhaite presque. Donc, on continue avec une autre nouvelle, M. Castegan. Oui. Dynasty Warriors. Eh oui, on va parler de Dynasty Warriors parce que là, Andrew, il a joué toute la semaine passée. Là, il y a des nouvelles qui sont sorties pour les prochains volets. Oui, en fait, je vous avais déjà parlé de Dynasty Warriors 7 qui avait un mode Conquest dessus qui était assez complet, que je pensais pas qu'il allait avoir de mode Empire. Je vous avais parlé il y a quelques semaines qu'il allait avoir effectivement un mode Empire. Parce que, chose que je dois vous dire, Dynasty Warriors 7, après avoir rejoué, passé le story mode, une chose que je me suis rendu compte, le mode Conquest de Dynasty Warriors 7, il est plate. Mais littéralement. Et dans le fond, généralement, qu'est-ce que Tecmo Koei font, c'est que Empire, c'est qu'ils rajoutent du nouveau stock en enlevant qu'est-ce qui était mauvais, dans le fond, là, de l'ancien jeu. Et ils ont décidé de tout revamper le système Conquest, comme ils font dans toutes les Empires généralement, et ressortir ce jeu-là à 39,99 au lieu de 59,99. Donc 20$ moins cher, vous avez tout le contenu qu'il y avait dans l'ancien jeu, plus un nouveau mode de jeu tout plein hot qui vous rajoute tout plein d'autres heures de jeu. Ça vaut la peine, généralement. Et je vous dirais que ce jeu a eu une date dessus pour l'Amérique du Nord, et on parle du 21 février 2013. Ah, c'est dans pas long, ça. Fait que j'ai tout plein hâte. Et il y a aussi eu une autre nouvelle qui est Dynasty Warriors 8. Oh! Nouvelle engine graphique, nouveaux méthodes d'attaque spéciale, nouveaux personnages, parce qu'ils vont approfondir l'histoire plus loin. Donc, pour l'instant, ils ont juste sorti un nouveau personnage qui... J'aimerais bien vous dire votre nom, mais on a des problèmes avec l'ordinateur et ma page est présentement blanche. Bon! Fait que tout ça pour dire que des nouveaux personnages, une histoire encore plus approfondie, un nouvel engine graphique et pas de date encore précise pour l'Amérique du Nord. Mais puisque je suis un loyal fan, ils vont sûrement le sortir 2013. Donc Andrew va surveiller ça pour nous et pour tous les fans de Dynasty Warriors qui écoutent Puissance Maximale. Et on va y aller avec une dernière, ben, peut-être pas une dernière, on va être bon pour peut-être en mettre une autre après ça. Mais on va mettre une chanson, mesdames et messieurs, un classique, la chanson de la série Capitaine Flamme. Ça fait vraiment... Même moi, je suis trop jeune pour connaître ça, mais j'aime bien la chanson. Je trouve qu'elle a du power, elle est épique. On va entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Pas de suite. On a vraiment, vraiment un problème avec l'ordinateur aujourd'hui. Parce que, présentement, je dirais que je vois une barre de défilement, mais pas les tunes. Ah, ça va bien. Écoutez, mesdames et messieurs, vous vivez en direct nos problèmes techniques à puissance maximale. C'est une émission privilégiée, on vous l'a pas dit, c'est une émission VIP aujourd'hui, dans les coulisses de puissance maximale. C'est ça, vous avez pas besoin d'être ici pour les voir. Non, en tout cas, vous les entendez pas parce que ça sonne pas. Ça s'en vient. En attendant que ça s'en vienne, je peux vous raconter une suggestion comme ça rapidement pour les gens qui sont amateurs de jeux de rôle. J'en parle souvent du jeu Pathfinder, qui est selon moi ce qui se fait de très bien là, sur le type Donjons et Dragons. Ben, allez vous chercher, si vous êtes en train de jouer ou vous voulez commencer à jouer à Pathfinder, allez vous chercher la quest Rise of the Rune Lords. Très, très intéressant, très complète comme quête. Quand même assez long, on parle de level 1 à level 20, donc vous pouvez prendre des personnages du début jusqu'à la fin. Là, on est en train de jouer avec Andrew et d'autres de nos amis. On est rendu... Je suis très efficace contre des trolls. Ouais, pas pire. T'as rien fait du con. Hey, j'ai lancé une boule de feu. Ah oui, c'est vrai. Très pratique. Donc, pour ceux qui cherchent justement des quêtes déjà faites, ça a gagné des prix. Il y a même eu une réédition de cette quête-là avec un beau livre et tout. Là, vraiment quelque chose de très beau. Puis vous pouvez vous chercher aussi les petits fascicules normaux. Vraiment très intéressant. Vous pouvez jouer finalement avec les livres de base et les différents fascicules de la quest. Ça vaut vraiment la peine. Petite petite suggestion comme ça pour les amateurs de jeux de rôle sur table. Et on va y aller avec la chanson qui nous est arrivée comme ça par miracle à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale et on a une visite de dernière minute, Monsieur François G. Couillard. Salut François. Hello. Ça hello va Québec. Bien? Hello Andrew. Hello Michael. Ça va bien. Ça va super bien. Et là, malheureusement, là, les gens ne pourront pas t'entendre tantôt au Cirque Aquatique Magique. Tu vas être de retour la semaine prochaine. Ouais, peut-être la semaine prochaine. Ouais. Je suis occupé pas mal de ce temps-ci, là, mais... Mais j'écoute votre émission, puis j'ai eu bien du fun à écouter tantôt, là, quand tu parlais de la Wii U, là. Je me dis, tabarnak, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du jeu? Ah non, Nintendo, soit qu'ils sont vraiment cabochons, ou ils prennent vraiment le monde pour des caves. Un des deux. Ouais, mais moi, ou les Canadiens pour des caves. Oui, moi, pour la Wii Mini. Moi, j'ai une théorie. En fait, c'est, oui, peut-être les gens pour des caves, peut-être des Canadiens pour des caves, mais en fait, c'est les gamers qui sont des caves, parce que vous savez très bien, comme vous et moi, vous savez que les gamers vont l'acheter, la Wii U. Ah oui. Ils vont faire une pièce avec ça, même si c'est pas bon. Ah, c'est encore drôle. Je suis pas sûr que ça va être rentable, moi. C'est peut-être pas rentable, mais ça va se vendre. Non, il y avait eu une étude comme de quoi qui était rentable, j'espère. Ils l'ont construit avec des vieilles pièces. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça avec du vieux stock. C'est, voilà. Ils ont fait, bon, il nous reste plein de Wii dans les entrepôts. Mettons un U dessus. Voilà. Un nouveau U. Ils ont pris un pinceau, une peinture. U. Voilà. Et là, on va parler d'une autre nouvelle. Et là, une nouvelle qui fait plaisir, Andrew Kassegan. Vous connaissez un peu la... pas la haine, mais disons qu'il n'aime pas beaucoup M. Peter Molyneux. Non, non, c'est de l'amour. Non, tu l'aimes pas, Andrew. Haineuse. Non, mais c'est de l'amour. Amour-haine, qu'on non, dit. Non, mais c'est de l'amour, parce que j'ai acheté ces jeux pareils. J'ai acheté Black and White, j'ai acheté Fable, j'ai Fable 1, 2, 3. J'ai acheté les jeux. C'est juste que... C'est pas des si mauvais jeux. Non, c'est juste que quand tu connais le personnage, que tu suis un peu la scène ludique et que tu écoutes ses conférences, tu fais... Mais quel épais! Parce que le problème avec Peter Molyneux, c'est qu'il fait beaucoup de promesses dans ses conférences. Il y a une grande trappe. Et là, Il s'est effondré, mesdames et messieurs, en entrevue récemment. Oui, en fait, il était en entrevue avec le site très populaire, site Rock Paper Shotgun, site d'actualité ludique de jeux vidéo. Et en fait, ils ont posé des questions à propos de son projet Kickstarter, Godus, qui lève pas, mais vraiment pas. Et Peter Molino a sombré en larmes et a pleuré. Et il a dit « Je sais que j'ai dit des choses, j'aurais aimé ne pas les dire, seulement j'y crois tellement, j'avais juré quand nous avons fondé 22 Cans que nous ne promettrions pas la lune et nous avons néanmoins commis des erreurs stupides. Je dois vivre avec. » Je vais répondre « Comme toujours, Peter. Comme toujours. » C'était de même avec l'Ironhead, c'était de même avec Microsoft. Je vais être cru, je m'excuse, mais ferme ta gueule! Tu sais, quand tu vas présenter un jeu, présente qu'est-ce que t'as, eh pas oui. Qu'est-ce que tu veux faire. Ce parce que t'aimerais, ouais, c'est parce ça. Que on... Peter Molino, je peux pas y enlever que c'est un grand visionnaire du jeu vidéo. Il y a des bonnes idées et tout ça, mais il y a une notion qu'il y a pas, qui est... Le réalisme. Ben, il y a le réalisme et l'aspect technique de la chose. Tu sais, lui, il y a pas la notion de... peut-être avec les technologies qu'on a, ça se fait pas. Il n'a pas cette notion-là. C'est quoi son jeu, le Godus, tu dis? C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est un autre projet un peu dans le principe de Curiosity là, qu'il veut faire. Là. J'ai pas les détails exacts là, parce que je voulais loader la page, évidemment, pour le voir. Mais et aujourd'hui, c'est impossible, mesdames et messieurs. La technologie n'est nous pas au rendez-vous. Oh non. Mais t'avais joué à Curiosity, toi, Andrew? Oui, j'avais joué à Curiosity, mais... On rappelle aux gens, c'est quoi? C'est un petit jeu sur... C'est un gros cube avec des pixels, puis il faut briser les pixels. Et sur les millions de gens sur la planète qui brisent les pixels en même temps que toi, il y a une personne qui va voir qu'est-ce qui se trouve en dessous du dernier pixel. Et une fois que la personne l'a vu, ben, ça recommence au complet! Non, mais tu sais, quand on parle de révolution dans le monde du jeu, là, moi, j'avais tellement envie de me... J'étais-tu payant, cette affaire-là? Non, c'est gratuit. Phew! Non, mais tu m'as fait peur. Il y a quand même 2 secondes, pensant qu'il fallait payer pour ça. Ben, on peut payer pour avoir de l'argent, pour acheter des upgrades, pour briser des pixels plus vite. Oh. Tu sais, quand ton but, c'est de briser des pixels, ouais, tu devrais commencer à faire de l'horticulture, puis à collectionner des pièces de monnaie, quelque chose du genre, parce que, allons, sans farce, là, Peter, on repasse. Mais bref, tout ça pour dire... Qui se dit que le projet Kickstarter, il partait pas peut-être parce qu'il y avait de la rogne envers lui au niveau des joueurs. No kidding! Et après ça, il disait, ben c'est de la folie, plein de pression, je suis en train de craquer. Puis le monde, il disait qu'il était exténué. C'est comme, ben arrête de promettre la lune, puis arrête de te stresser après en faisant comme, oh mon Dieu, j'ai dit qu'on allait faire ça, puis ça marchera pas. Exemple Fable 2, système de combat qui était archi mauvais. Fallait juste appuyer sur A. C'est pas un RPG, ça, appuyer sur A. Non, c'est un hack and slash. Ben, c'est ça. Fait que, arrête. C'était la montée de lait d'Andrew Castagan cette semaine, mesdames et messieurs. On aime ça, hein. Non, mais t'as tout à fait raison. On offre nos services de consultant à Microsoft, ça. Je t'avais de dire à Peter Molino, engage-moi. Je vais me mettre en arrière de toi pendant tes conférences avec un walkie-talkie. Non. Je vais dire non. Je sais très bien qu'il m'écoutera pas, mais au moins, je vais être payé pour lui dire non. Merci Andrew de cette montée de lait, mais ma foi, très justifiée. Non, mais t'sais, je respecte le bonhomme, mais s'il vous plaît, là, il a tout basé sa carrière sur ça, puis là, il vient nous dire en seconde revue, je voulais pas promettre la lune. Come on. Arrête de faire comme Nintendo, là. Ça, on n'est pas cave. Ça a l'air pour cette revue-là, tu peux-tu mettre le lien sur le site internet une fois que... Oui, ben. Écouter Peter Molineux pleurer, là, c'est quand même. Ouais, ben, je quand je vais voir un Internet qui marche, j'irai chercher le lien de l'entrevue sur le site que j'ai nommé parce que je viens de faire ma fenêtre. Il a oublié ça, c'est No Turning Back. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on prend des décisions. On ne peut pas revenir en arrière. Non, c'est irrévocable. Non, c'est ça. Mais oui, j'irai chercher le vidéo et je pourrai le mettre sur le site de Puissance Maximale. Et une dernière nouvelle, M. Castagan. Oui, le monde qui attendait Baldur's Gate Enhanced Yay! Edition. Et là, ça, c'est moi avec les deux branleurs. Il est sorti hier. Oh yeah! Sur PC uniquement. Oh, ben. C'est pas Baldur's Gate 3 ou 4 ou 5, c'est Enhanced Edition. Ouais, c'est la. C'est remasterisé. Remasterisé avec des plus d'heures. Je pense qu'il y a des nouveaux personnages aussi, des nouvelles quests. Engine graphique. Ouais. Revampé okay. Et. En 3D ou. Non, je pense que c'est. J'ai pas vu d'image, par exemple. Ben, je vois une image ici. Oubliez ça. Mais ah non, il vient d'ouvrir. Je crois voir une image. Il vient d'ouvrir. Les décors semblent être un genre de 3D. Les personnages semblent être un peu en 2D, un peu à la style Diablo 2, mais avec une meilleure résolution. Okay. Donc je vous dirais que c'est vraiment. T'as quand même un revampage, mais tu sais, c'est pas une saveur classique, mais avec une nouvelle sauce. Ouais, mais anyway, c'est ça. Il voulait garder l'aspect classique du jeu, puis C'est des excellents jeux. Ça semble convaincant là, pour le peu d'images qu'il load. Par hasard, sur la page qu'il load, t'as pas le prix. Question qu'on puisse. Non. Non. Bon ben, allez taper Baldur's Gate Enhanced Edition sur Google. Vous allez sûrement pouvoir trouver l'information. En tout cas, moi, je vais y aller parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui, justement, oui. Hier, j'ai réinstallé Dragon Age Origins sur mon PC. C'est ça. Mais juste rapidement compléter la nouvelle, c'est elle est juste disponible pour l'instant sur PC. Il y avait une version iOS, Android et Mac. Ces versions-là ont été retardées à une date ultérieure. Mais la compagnie se montre qu'on Overhome Game sans confiance que ça va être avant Noël. Mais en attendant, les rôlistes et ceux qui aiment les jeux classiques et les excellents jeux, en fait, allez vous chercher ça sur PC. Je pense que je vais désinstaller Dragon Age, qui est excellent, mais je vais aller me chercher Baldur's Gate pour retourner vers ma jeunesse geek à moi. Donc, merci Andrew pour cette nouvelle et, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Un Puissance Maximale qu'on a réussi à avoir à l'arraché, malgré le combat acharné qu'on a eu contre la technologie. Et peut-être qu'on va avoir la musique de fin aussi, si ça fonctionne. Peut-être. Qui sait? On peut la chanter. On pourrait faire ça, hein, vraiment. On devrait se faire une édition artisanale. Elle vient de partir. Ah, ben on l'entend. Et c'est déjà, comme je disais, la fin de Puissance Maximale. Malgré les problèmes, on a réussi. Je remercie M. Andrew Castegan pour sa patience et sa présence toutes les semaines. C'est un plaisir, j'ai un petit peu de retard sur mon planning, fait que je ferai pas de discours de fin. Merci Andrew, et merci M. Gécouillard d'avoir passé comme ça un coup de vent à la fin de l'émission, toujours apprécié. C'est un plaisir pour moi. Merci. On rappelle qu'en fin de semaine, c'est la fiesta ludique au pavillon de Coninck, donc Philosophia qui organise ça, et CosplayCon. Allez vérifier ça sur Facebook, vous tapez les deux événements, vous allez avoir toutes les informations. C'est pas compliqué, c'est gratuit, puis il y a des centaines de jeux Philosophia, c'est tous des excellents jeux, alors c'est le moment. Non seulement tu peux les acheter, mais en plus tu peux les jouer. Alors, et voilà. De couple aussi. Et pour CosplayCon, c'est seulement 5$, et voilà. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com pour écouter toutes nos anciennes émissions. Allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale pour nous retrouver. Et je termine en vous souhaitant une excellente semaine de jeu. Things. We use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's the end. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day.